ASMR Beat Making. Faut que je m'envole loin d'ici. Y'a trop de pélos qui sont faux et font croire que c'est la famille. Et ils t'allument dans ton dos comme Sosa avec Tony. Ensemble on a grandi, on se calcule plus, c'était prédit. C'est le 6-9, on est là pour tout niquer. Tu me dis que t'es mon poteau, mais là je suis pas trop bien outé. Te tendre la main, en vrai c'est pas compliqué. Cliquer sans hésiter, car on ramène la qualité. Et fais des pompes, mets le son à fond dans ta cellule. Toi fais les comptes, envoie qu'on amarre le pécule. Cette année je mets le paquet, la rire il a craqué. Non y'a rien à gratter, ça type et l'eau tu fais croquer. On dit rien, plus de nouvelles. Toi tu fais la hlèle, mais qu'est-ce que tu foutais à l'hôtel? Ta vie c'est un bordel, tu crois que des bâtards. Une rap t'as dans les mêles, elle rentre tranquillement à la date. On dit rien, plus de nouvelles. Toi tu fais la hlèle, mais qu'est-ce que tu foutais à l'hôtel? Ta vie c'est un bordel, tu crois que des bâtards. Une rap t'as dans les mêles, elle rentre tranquillement à la date. Fais pas le con, dans la vie faut faire des E. Ne pas penser à Dieu, ça pourra te rendre que malheureux. Tu te lèves t'es mal luné, des envies toupinées. Tes soucis à le soir, tu l'invites à dîner. Vodka, pizza, pino, c'est mieux McDo ciné. Parti pour une balade et tu te retrouves à cantiner. Tout le monde t'oublie, en vrai ça dépend qui t'es. Ça dépend ce que t'as parce que les gens veulent vérifier. C'est ça la rue, les rails sont trop ratables. Ils te hackent et te laissent pour mort sur un brancard. Ça va jusqu'en Suisse, péter ça braque le banquier. Ça prend des risques et c'est juste par nécessité. On dit rien, plus de nouvelles. Toi tu fais la hlèle, mais qu'est-ce que tu foutais à l'hôtel? Ta vie c'est un bordel, tu crois que des bâtards. Une rap t'as dans les mêles, elle rentre tranquillement à la date. On dit rien, plus de nouvelles. Toi tu fais la hlèle, mais qu'est-ce que tu foutais à l'hôtel? Ta vie c'est un bordel, tu crois que des bâtards. Une rap t'as dans les mêles, elle rentre tranquillement à la date. Louis V. Valentino, Olivo Lontillier, RS sous les quatre pots, elle kiffe quand tu la fais tirer. Mon entourage, il faut prier, vu que je traîne qu'avec des rats grillés. Nos vies sont nulles, encore une fois je vais pas crier. Elles font les belles, ils font les fous, Vignon sous les genoux. Non, faut pas se gêner de lui dire salut après ton coup. Elles font rien toute l'année, Michto à Mayabé. La beuh des Pays-Bas, non celle-là fallait pas l'amener. C'est un bon, c'est le gros, mais par des chaînes il s'est ruiné. C'est un planté, un con, prend deux, trois, t'es, il va l'oublier. Et c'est comme on t'a dit, tu sais sur qui compter. Pisse pas contre le vent, car elle vient vite la vérité. T'es. On se dit rien, plus de nouvelles. Toi tu fais la hlèle.